J'm'en rappelle à l'ancienne, j'vidais ton appart en un charter. Ils ont retrouvé des corps froids dans un conteneur. Écoute mec, chez moi ça vend ta drogue à toute heure. Il t'a fait un coup de pute, taille à blocus. Si j'suis tapé, balance demain j'fais t'en plein. Qu'est-ce t'en tiens, gros police qui met la tempête. T'en tiens, j'avais les crocs, j'avais pas de fontaine. On la connaît cette fille, on sait qu'elle fait sa folle haine. J'suis capuché gros, il s'fait tard les sensations par un. Et dans la cave que ça découpe des grosses barres. Gyrophare, mon poteau j'en ai marre. Des poteaux qui te font dépasser, qui font semblant soit ta bassin. Trop de frères qu'on condamne. Faut tenir le combat. Comme d'hab j'suis coupable. Mais t'inquiète j'ai les comptables. J'ai sûr que ça t'amène. Quand t'arrives personne t'emmène. Il te l'a mise à l'envers, on le rendra visite chez sa mère. Trop pas oui, la vie n'est pas facile comme on te l'a dit. Et parmi les gens je suis dans le checks, mes refrains perdent à te détendre dessus. Y'a rien de vrai à part sniquer les poumons dans le sud. J'suis perdu, j'ai l'impression de me faire berner. J'suis encore jeune, mais le visage est déjà cerné. Tellement cerné que la nuit les yeux sont fermés. J'suis ARS, j'en ai marre de te voir enfermé. Ça fermine, c'est ce qu'on était. De l'argent c'est ce qu'on fait, mais t'inquiète on sait ce qu'on fait. À peu de personnes j'me confie, faut que personne rentre en conflit. Parce que si c'est la guerre, la vie de ma mère, c'est plus ce qu'on fait. Plan A, finir tellement haut, ne plus retomber. Plan B, venir les plomber. Plan C, ne plus pouvoir penser, pioncer. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Même à qui l'homme l'ont pas poussé, c'est chien. J'étais tout seul, y'avait que le cœur pour faire pousser, c'est chien. Il me reste des frères, des sûrs, qui pourront jamais me laisser. Principe et valeur, un pâte à moi, je pourrais jamais le baiser. On m'a dit c'est comme ça, des fois faut laisser comme c'est. J'ai toujours donné quand j'ai, je suis toujours resté comme je suis. Toi t'es pas resté comme tel, toi qui t'es traité comme tel. Et vu que j'avais pas trop le time, j'ai fait des spé mais j'ai pris son tel. Y'a plus de rêve, ouais y'a plus d'amour. Mais y'a que ça, y'a plus rien qui nous arrête. Le monde est à nous. Passe par ici, si t'as quelque chose à dire. On va tout écrire pas fou. Rien ici, je vois tout.